الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. Sachez que la vie d'ici-bas a un goût sucré et il nous est enjolivé. Et si elle n'était pas vouée à la perdition, cette vie d'ici-bas aurait été délicieuse. Elle aurait été digne de louange. Mais celui qui y est doit disparaître. Et celui qui y est résident en sera déplacé. Et les situations de cette dunya changent soudainement. Et chaque personne parmi nous sera questionnée. Celui qui s'accroche à cette vie aura supporté un fardeau qui ne s'allège jamais. Et il aura espéré ce qui ne deviendra jamais. Et il aura fait des efforts qui ne seront pas récompensés. Les jours de cette vie courent sans qu'on puisse les arrêter, et ces mois se succèdent à une vitesse folle, et son temps coule en cascade, et ceci prouve que cette dunya est un temps limité et qu'il n'en reste que très peu, comme quelqu'un d'affamé qui n'a laissé que des restes. Cette dunya est composée de dangers et de difficultés, de discordes rugissantes, et est composée de grands et de petits péchés. Les gens sont dans cette vie soit croyants, soit mécréants, soit pieux, soit pervers, soit gagnants, soit perdants, soit heureux, soit malheureux. Gagnant est celui qui aura préservé sa propre personne, qui aura préservé sa famille et ses proches de tomber dans la perdition de cette vie d'ici-bas et dans son avilissement et dans la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala et dans son courroux. Et Allah azza wa jalla a dit, et celui qui s'approche à Allah, il sera guidé vers le droit chemin. Et sachez que le mois du Ramadan vous est venu, il est venu avec ses gains, il est venu avec son ombre et ses dons, il est venu avec sa beauté et sa magnificence. C'est un visiteur honorable qui nous est venu. C'est un mois au parfum particulier. Ses bienfaits sont apparents. Il prodigue ses bienfaits, des bienfaits qu'on ne peut dénombrer. Il a propagé parmi nous son arôme et sa senteur. Et tu ne vois pendant ce mois que des serviteurs qui s'inclinent ou des gens qui lisent le Coran avec crainte. Leur cœur tremble et leurs yeux coulent devant des versets qui résonnent et qui font partir la soif et la faim. Remercie Allah tabaraka wa ta'ala et louez-le de vous avoir fait atteindre ce bienfait. Combien espéraient atteindre ce mois, mais ils n'y sont pas arrivés. Combien voulaient sentir son parfum, mais la mort est venue et elle les a emportés. Alors que nous, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous y sommes. Mais combien d'amis avons-nous perdus? Combien de proches avons-nous recouverts du linceul? Nous nous jeûnons aujourd'hui, mais combien de bien-aimés avons-nous enterrés? Ceci est un avertissement pour nous, et cet avertissement est la mort qui s'approche de jour en jour. Il est donc temps de se repentir avant qu'il ne soit trop tard, avant que nous ne puissions plus nous relever de nos chutes, avant que nous ne puissions plus donner de rançon à personne. Faites des efforts et retroussez vos manches pendant ce mois. Montrez à Allah tabaraka wa ta'ala la meilleure partie de vous-même, car c'est en faisant des efforts qu'on réussit ceux qui ont réussi. Et sachez que celui qui est fainéant pendant ce mois, il n'aura plus aucun espoir. Aïcha radiallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plus d'efforts pendant le Ramadan qu'il n'en faisait pendant que dans les autres mois. Rawah Muslim. Et ce mois est le mois de l'acceptation et de la réussite. C'est le mois où Allah tabaraka wa ta'ala épargne du feu, où il est encore plus généreux tabaraka wa ta'ala. C'est le mois où tu peux être élevé en degré. Alors malheur à celui qui pendant ce mois s'empêche de faire le bien. Malheur à ceux qui pendant ce mois s'empêchent de faire le bien et dorment à longueur de journée. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi, si mon serviteur se rapproche de moi d'un lampan, je me rapprocherai de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapprocherai de lui d'une brasse. Et s'il se rapproche de moi en marchant, je me rapprocherai de lui en courant. Rawahu al-Bukhari. Ce mois est le moment de faire des efforts si tu es motivé. C'est le mois de l'adoration si tu es prêt. Le vent de l'acceptation des œuvres est arrivé. Le ruisseau des bienfaits est en train de couler et le diable y est noyé. Ce mois est la porte ouverte des bienfaits pour celui qui veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vient Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, quand arrive la première nuit de Ramadan, les diables et les pervers parmi les djinns sont enchaînés et les portes du feu sont fermées, et aucune porte ne sera ouverte pendant ce mois, et les portes du paradis sont ouvertes, et aucune porte ne sera fermée pendant ce mois. Ensuite, quelqu'un dira, celui qui veut le bien qu'il vienne, et celui qui veut le mal qu'il arrête, et Allah tabaraka wa ta'ala épargne et sauve des gens du feu, et ceci chaque nuit pendant Ramadan, Allahu Mumaja. C'est le moment, pendant ce mois, de retourner vers Allah tabaraka wa ta'ala. Ce mois est une miséricorde de la part du généreux donateur qui est Allah Azza wa Jal. Empressez-vous de vous repentir, car le voyage vers l'au-delà sous terre et dans le tombe est proche. Alors à celui qui a commis des péchés et des crimes, celui qui regrette ses faux pas, repentis-toi Allah tabaraka wa ta'ala, car ce n'est que la mort qui t'attend devant toi, et Allah tabaraka wa ta'ala aime être généreux et miséricordieux durant ce mois. Il veut faire atteindre à ceux qui se sont repentis ses bienfaits, et bienheureux est celui qui se sera lavé de ses péchés durant ce mois béni. Quant à celui qui est prisonnier et otage de ses péchés, qu'il sache que ce mois est le mois où tu peux te libérer et te défaire de tes chaînes. C'est le mois où l'on pardonne les erreurs. Saisis donc l'occasion et prends garde à ne pas la laisser passer devant toi. Ne sois pas de ceux qui refusent de se repentir et qui laissent Ramadan passer sans en avoir profité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour monta sur le mimbar et il dit « Amin, Amin, Amin ». Les compagnons lui dirent « Pourquoi as-tu dit Amin trois fois ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit alors. Il dit « Jibril m'est venu et il a dit « Celui qui arrive à Ramadan alors qu'on ne lui pardonne pas et qu'il rentre au feu, Allah tabaraka wa ta'ala celui-là l'écartera. Dis Amin, alors je dis Amin. » Prenez garde durant ce mois à perdre votre temps dans les futilités que vous ont préparé les pervers et les dévergondés, ceux qui ne font aucune différence entre le mois du jeûne et les autres mois. Ils vous ont préparé pour vous détourner des adorations. Ils vous ont préparé des programmes télévisés et dénués de toute raison. Et je ne parle même pas des chaînes françaises, mais je parle des chaînes paraboliques du bled. Prenez garde de ne pas tomber dans leur jeu et écartez-vous de ces programmes et de ces feuilletons qui pourraient abîmer votre jeûne durant ce mois béni et qui ne feront que vous rajouter du malheur et de la perdition et de l'humiliation et du châtiment. Et quant à celui ou celle qui pose ses yeux sur des choses interdites, sache que tu es dans le meilleur des mois. Prends garde à ne pas enlever de son honorabilité ou à ne pas diminuer de son importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et le fait de les appliquer, Allah tabaraka wa ta'ala n'a nullement besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire. Rawahu al-Bukhari. Et à celui qui se satisfait du mauvais au lieu du bon, et à celui qui perd son temps dans les futilités jusqu'à l'aube, à celui qui ne se lève qu'à des heures tardives du matin, comment peux-tu délaisser le chemin clair et prendre les chemins tortueux et sales? Compte tes oreilles à être constamment bouchées et compte tes yeux à être tout le temps aveuglés. Jusqu'à quand vas-tu te détourner et rester dans tes distractions et égarements alors que tu n'as aucune excuse dans cela? Profite au lieu de cela du temps qu'il te reste et ne reste pas dans ton sommeil. Ne sois pas de ceux à qui on leur a dit « Repends-toi » et ils retarderont à plus tard et ils ne répondent pas. Bienheureux sont ceux qui ont délaissé leur passion présente pour un rendez-vous, pour le rendez-vous de l'au-delà, un rendez-vous ou une chose qu'ils n'ont jamais vue, mais à laquelle ils croient fermement. Et sachez que celui qui jeûne doit occuper son temps dans des choses bénéfiques, comme lire et étudier et méditer les versets coraniques. Et Jibril alayhi salam venait rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque nuit de Ramadan et il lui enseignait le Coran, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et le Coran est une guérison pour les cœurs, c'est un juge juste contre les ambiguïtés. Il y a dedans des récits merveilleux, des exhortations incroyables, des sagesses indénombrables, des preuves claires sur l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le Coran est plus bénéfique pour les gens que la pluie. C'est une âme pour la vie éternelle. Et s'il n'y a pas d'âme, le corps ne peut pas vivre. Accourez vers ce Coran qui est la parole de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Recherchez ses trésors. À vous de traire ses mamelles abondantes de bienfaits. Apprenez les causes de sa révélation et revenez au livre de tafsir. Et ne soyez pas satisfait de le lire un peu et prenez-le comme juge dans toutes vos affaires, petites ou grandes. Et celui qui aura la réussite est celui qui lui donne son importance et qui se repose dans ses jardins dont les sources ne tarissent jamais. Allah tabaraka wa ta'ala dit, le mois du Ramadan est le mois au cours duquel le Coran a été descendu. Il a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Soit avec le Coran, comme un voyageur qui, s'il termine son voyage, revient à son point de départ et il le relie et le psalmodie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne de Qur'an intercède en faveur de la personne le jour de la résurrection. Et le jeune dira, Seigneur, je l'ai empêché de manger et de suivre ses passions, permets-moi d'intercéder en sa faveur. Et le Qur'an ce jour-là dira, je l'ai empêché de dormir la nuit, permets-moi d'intercéder en sa faveur. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur donnera la permission d'intercéder en la faveur de la personne. Rawahu Ahmed. Et sachez que ce mois est le mois où l'on doit dépenser. C'est le mois où l'on doit dépenser et donner des aumônes et aider les gens. À ceux qui ont de l'argent, pensez aux pauvres et à ceux qui ont faim, pensez aux gens dans la difficulté, dans le besoin, ceux qui sont atteints par le malheur et la calamité, ceux qui sont atteints par la famine et toutes sortes de difficultés, aidez-les et donnez-leur des bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous a gratifié. Donnez avec abondance et soyez généreux. Ne nouez pas vos bourses, sinon Allah tabaraka wa ta'ala les noie complètement. Et ne comptez pas quand vous donnez, sinon Allah azza wa jal comptera quand il vous donnera. Et ne vous retenez pas de donner, car Allah azza wa jal se retiendra quand il vous donnera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô fils d'Adam, si tu dépenses tes biens, cela sera meilleur pour toi. Et si tu ne dépenses pas, cela sera un mal pour toi, et tu ne seras pas réprimandé si tu gardes juste ce dont tu as besoin. Et commence à donner à ceux qui sont prioritaires, et la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Rawahu Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, la meilleure des aumônes est celle qui est donnée pendant Ramadan. Rawahu Tirmidhi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus généreuse, et il était encore plus généreux pendant Ramadan quand Jibril alayhi salam venait le voir. Et sachez que les jours du mois de Ramadan sont comptés et sont voués à disparaître. Ne soyez donc pas avare d'efforts pendant ces jours-là et adorez Allah tabaraka wa ta'ala comme il se voit pendant ce mois-là. Appliquez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens seront dans le bien tant qu'ils se précipitent à couper le jeûne. Et il dit aussi, la différence entre notre jeûne et celui des gens du livre est que nous, nous mangeons juste avant le lever du soleil. Et dites les invocations authentiques qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de couper le jeûne. Et celui qui a mangé ou bu par oubli, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a nourri et abreuvé. Il n'a pas expié ou rattrapé ce jour-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois du Ramadan, avec foi, en espérant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, il lui sera pardonné ses péchés précédents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, celui qui prie la nuit le mois du Ramadan, avec foi, en espérant la récompense d'Allah azza wa jal, il lui sera pardonné ses péchés précédents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il parte, il lui sera compté comme s'il avait prié toute la nuit. Et si quelqu'un jeûne et qu'une personne l'insulte, qu'il dise je jeûne. Et sachez que faire une umrah pendant Ramadan est équivalent en récompense à avoir fait le pèlerinage avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et prenez garde à ne pas manger intentionnellement avant l'heure. Et prenez garde à ne pas manger intentionnellement avant l'heure pendant ce mois. Et pensez à préserver votre jeûne de tous les interdits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors que j'étais en train de dormir, deux hommes sont venus me chercher et m'ont emmené par le haut des bras jusqu'à une montagne peu accessible et accidentée. Ils me dirent, monte. Je leur dis, je ne pourrai pas monter. Ils me dirent, alors nous allons t'aider. Je suis alors monté jusqu'à me retrouver au milieu de la montagne. J'ai entendu des cris effroyables. Je dis alors, quelles sont ces voix? Ils me dirent, ce sont les cris des gens du feu. Nous partîmes ensuite jusqu'à arriver à des gens accrochés par les chevilles et la bouche fendue, leur bouche coulée de sang ou les rien de bédard. Je leur dis, qui sont ces gens? Ils me dirent, ce sont ceux qui mangent avant l'heure pendant le jeûne. Rawahu Ibn Hibban. Et sachez qu'il convient à la femme musulmane, si elle vient pour la prière de l'Isha et celle de Tarawih, de ne pas se parfumer et de ne pas mettre des habits qui attirent l'attention, pour ne pas que les faibles d'esprit et les faibles de foi leur causent de tort, et pour que ne la convoque pas celui qui a une maladie dans le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'une d'entre vous assiste au Isha, qu'elle ne se parfume pas cette nuit-là. Et il dit dans une autre version, si l'une d'entre vous va à la mosquée, qu'elle ne touche à aucun parfum. Rawahu Muslim. Et Amr radiallahu anha, d'après Aisha radiallahu anha, qui dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait ce que font les femmes aujourd'hui, il leur aurait interdit de venir à la mosquée, comme il fut interdit aux femmes des enfants d'Israël de venir à leur lieu de prière. Alors on dit à Amra, les femmes des enfants d'Israël n'ont pas le droit d'aller dans leur lieu de prière. Elle dit oui, cela leur est interdit. Et sachez qu'il est préférable à la femme de prier chez elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'empêchez pas les femmes de venir à la mosquée, mais leur prière est meilleure chez elles. Rawahu Abu Daoud. Et sachez, pour finir, que la guérison de l'ignorance est de demander si vous ne savez pas. Ne faites rien de votre propre chef sans l'avoir confronté au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et à la sunna de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, il se peut que votre œuvre ne soit pas acceptée. Fastakthiru min ad-da'awat at-tayyibat fi shahr an-nafahat lakum wa li anfusikum wa li ahliikum wa dhawiikum warfa'u akfa ad-dara'a wa tawassalu ila Allah bi alwan at-ta'a an yansura ikhwanakum al-mustad'afin wal-mushaddidin wal-manqubin wal-mahsurin wal-mufta'idin fi kulli makan فالأمة تمر بأعتى ظروفها وأقسى أزمانها المؤامرات تحاك والمكائد تدبر ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه ولا نتوكل إلا عليه وهو المستعان على كل فادحة والمستغاث عند كل فاجعة فألحوا على الله بالدعاء وارفعوا إليه الشكوى والنداء واحذروا الموانع وابتعدوا عن القواطع وتسلحوا بسلاح الإيمان واليقين واعلموا أن ذلك ابتلاء من الله وامتحان لتنهض الأمة من سباتها وتفيق وتعرف العدو من الصديق وترجع إلى دينها بالتحقيق والتطبيق اللهم أنت المستعان اللهم أنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم لا تجعل لأعدائك قوة في البحر إلا أغرقتها ولا قوة في الجو إلا أسقطتها ولا قوة في البر إلا دمرتها اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين اللهم فك أسر المسرومين من المأسورين من المسلمين اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين وارحم ضعفنا وضعف المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا ممن قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على النبي المصطفى المختار اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى المختار ما تعاقب الليل والنهار وما سقطت الأمطار وما سالت الأنهار وما مدت البحار وما تعانقت الأشجار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.